Chapitre 262. L'incitation à s'assurer de ce que l'on dit et l'on rapporte. Allah Ta'ala dit: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Sourate 17, verset 36. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate 50, verset 18. 1547. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il suffit à quelqu'un pour mentir de rapporter tout ce qu'il entend. Muslim. 1548. D'après Samura, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui rapporte en pleine connaissance de cause une parole qui m'est faussement attribuée est au même titre que celui ou ceux qui le lui a transmis, un menteur. Muslim. 1549. Selon Asma, radiallahu anha, une femme demanda: ô messager d'Allah, j'ai une coépouse. Est-ce que je commets un péché si je lui donne l'impression d'avoir obtenu des faveurs de la part de mon mari? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: celui qui prétend avoir obtenu plus qu'il n'a reçu est comme celui qui porte deux faux vêtements. Al-Bukhari et Muslim. 1550.